coucou. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes là? 785. C'est le nombre. Oui, oui. Ah, j'aime le dire. Hein. J'aime à le dire. 785, c'est le nombre d'émissions. Oui, que vous avez écouté. Et je ne compte pas. Et je ne compte pas tout, hein. Je ne compte pas tout. Cette fidélité, eh bien, elle se paye. Oui, d'une certaine manière, elle se paye, cette fidélité que vous avez dans cette émission. Eh bien, pour tout simplement, pour vous remercier, eh bien, je vais encore faire la même chose. Pas tout à fait. Pas tout à fait dans cette émission, puisque la première partie, je la consacre à mon pays natal, l'Italie. Oui, ils ont aussi des accordéons là-bas. Ah ouais, oui, ils ont aussi des accordéons. Et autant vous dire que, comme ici en France, chez nous, ils savent s'en servir. Donc voilà, nous allons voyager avec la fisarmonica. C'est comme ça qu'ils l'appellent, la fisa. Voilà, on va passer donc un bon moment ensemble avec quelquefois des choses invraisemblables. D'ailleurs, pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, voilà ce que ça donne par un champion du monde. Oui, par un champion du monde. Et il joue avec un petit accordéon. Pas comme les gros accordéons que l'on voit, hein. Un tout petit accordéon. Écoutez, c'est juste pour les oreilles. Allez, c'est parti. We'll be right back. Alors? Ah oui, ça vaut le coup là. Ah oui, ça vaut le coup. Bon, le monsieur, effectivement, il est champion du monde dans cet élément-là. C'est une polka que vous venez d'entendre. Et il est champion du monde avec cet instrument. Mais, et après, on arrêtera là pour ces champions du monde. Il y a un autre champion du monde que je voulais vous faire écouter. Ce champion du monde, eh bien, lui, il a 7 ans. Oui, j'ai bien dit 7 ans. Et il joue du même instrument que son professeur, puisque c'est l'autre champion du monde, le champion du monde là qu'on vient d'entendre, qui lui a appris à jouer de cet accordéon-là. Et figurez-vous que ce gamin de 7 ans est aussi champion du monde. Je vous laisse apprécier ou pas. Oui, il a 7 ans. Eh oui, 7 ans. Voilà, c'est tout. Bien, allez, vous avez pris, bien sûr, un petit peu la température de cette émission. Eh bien, on va continuer avec quelque chose de très doux, que vous connaissez bien d'ailleurs, que vous connaissez bien. Thank you.

sera toujours au rendez-vous. Fidèle. Eh oui, fidèle, fidèle comme vous, vous qui êtes fidèle à cette émission, et je vous en remercie bien évidemment. Voilà, c'était un petit aparté, mais qui continue le petit aparté avec vous les femmes, tout simplement. Elles sont musiques. Toutes les femmes, une musique romantique et tant de charme sur toutes les gammes. Elles sont si femmes, à s'émouvoir et s'abandonner quand vient l'envie. Une chanson italienne au gré du vent, sous le pinceau à De Vinci, toujours si belle au fil du temps. Évidemment si belle, l'amour c'est elle, aimer et être aimé. Évidemment, quand vient l'envie d'aimer. Un livre ouvert sous une pluie de fantaisie, un chant de cigane, une symphonie. Elles sont si belles d'amour aussi. Évidemment si belles, l'amour c'est elle, aimer. Vous les femmes, ah. Bon, allez, on continue. Retour de l'autre côté des Alpes. Bon, il y a juste à traverser le tunnel, hein. We'll be right back. Faut bouger les tables, pousser les chaises, enfin faire ce que vous voulez, mais là faut le danser parce que ce tango là, aïe aïe aïe aïe aïe. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Mmh. Qui se termine plutôt bien, on va dire ça comme ça. Voilà. Quelques polkas, quelques petites valses, et puis voilà, les choses avancent, comme on dit. Allez, petite chanson espagnole, avec mes remerciements à Lulu, oui, à Lulu de Bellegarde, je précise, hein. Merci ma petite Lulu, merci pour cette gentille pensée pour mon épouse et moi. Ai-je jamais mis la culpa? C'est Bertin Osborne, c'est, oh là là, c'est un Hidalgo espagnol que j'adore. Porque nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara. Para despreciarte, preguntes que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en ese infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá échame a mí la culpa de lo que pase. Allez, juste pour le plaisir de l'oreille, encore une, juste pour le plaisir. No soy yo el que te hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir la verdad. Dueño de ti y dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. Dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti y dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño de qué, dueño de nada. ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre ces Hidalgo méditerranéens. Ah, ils ont le cœur chaud et la voix chaude aussi. Tout est chaud chez eux. Bon, allez, plaisanterie à part, on continue. Je vous demande un petit moment de silence, s'il vous plaît. Un tout petit moment. 3 minutes 27. Juste un petit moment. Thank you. Voilà, merci pour ce silence. Merci beaucoup. Ce classique, on termine cette première partie de l'émission avec un autre classique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Gianni Morandi, la fisarmonica. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Eh oui, cette première partie de l'émission s'est terminée avec tout simplement un classique italien. Ou du moins, un petit condensé de classique au pluriel italien. Voilà, un medley, on appelle ça. Voilà. Bien, allez, c'est parti pour la deuxième partie de cette émission. Et je vous la propose, un grand retour en arrière. Un grand retour en arrière. 1973. Oula, c'était avant-hier. Jour après jour et pour toujours, Angélique, mon bonheur c'est toi. Nuit après nuit et pour la vie, Angélique, quand tu n'es pas là, le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Pour tes yeux, quand tu me souris, pour les mots que tu dis tout bas, pour ta main qui se tend vers moi. Jour après jour et pour toujours, Angélique, mon bonheur c'est toi. Nuit après nuit et pour la vie, Angélique, quand tu n'es pas là, le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Et quand c'est fini, ça recommence. Elle tourne. Ah oui. Ah, je voulais faire un petit coucou à un fidèle auditeur, Alain, le pompier de service. Merci mon pote, t'es vraiment un pote. Merci beaucoup. C'est pour toi ça. Oui, Espérance ça s'appelle. On sait jamais, hein? On sait jamais. Un petit coup comme ça, hein? Une espérance, tout simplement. Bateau blanc de ma jeunesse est reparti vers le soleil. Il m'a laissé dans la détresse et je redoute mon réveil. Le bateau blanc de mon enfance, chargé d'amour et de désir, avait pour prénom Espérance. Hélas, mon cœur le voit partir. Oh, oh, oh, oh. Chante, chante, chante, matelot. Espérance reviendra bientôt. à contempler sa voile d'or. Il faudra bien tourner la page, mais malgré tout, j'espère encore. J'espère qu'un matin de septembre, je reverrai son majoli. Chante, chante matelot, espérance qu'on reviendra bientôt. Voilà Alain, c'est pour toi. On ne sait jamais, peut-être que demain, cette espérance folle va te tomber dessus et que le bonheur sera devant ta porte. C'est tout le mal que je te souhaite, mon pote. Tout le mal que je te souhaite. Ah oui. Y a pas de chanson pareille. Les plus simples sont les plus jolies. comme joue la pluie. Y'a pas de chanson pareille, les plus belles sont les moins connues. On les joue quand elles sont vieilles, comme un bon malentendu. À partir d'Amsterdam jusqu'au pont d'Avignon, y'a au moins 2 millions de chansons. Engagée, tourmentée, profonde ou défendue, y a quelqu'un qui les chante. Y a pas de chanson pareille, les plus belles sont les moins connues. Dos à dos, bouche à oreille, comme un engagée, tourmentée, profonde ou défendue, y a quelqu'un de sous-entendu. Une histoire de papier, un souvenir ému, et quelqu'un qui le chante. Y a pas de chanson pareille, les plus simples sont les plus jolies. Comme joue la pluie, y'a pas de chanson pareille. Les plus belles sont les moins connues. On les joue quand elles sont gaies, comme un bon malentendu. Y'a pas de chanson pareille. Les plus belles sont les moins connues. Pas de chanson pareille. Alain vous fait des bisous à tout le monde. Voilà. Alain, vous savez, le pompier de service. Oui, oui, oui. Il est fou, là. Il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, paraît-il. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça. C'est la magie de la radio, ça. On diffuse sur les ondes et hop, là, les souhaits, les désirs, eh bien, sont là, tout simplement. Silence, lumière et projecteur, éclairez-la. Silence, elle joue encore, elle fait son cinéma. Malchance, à celui qui dans son piège a pu tomber. Malchance, à celui qui pour un soir a pu l'aimer. Elle tourne, tourne, tourne en rond au jeu de sa folie. Elle tourne, tourne, tourne trop le film de sa vie. Elle tourne, tourne sans raison. Elle joue sa comédie. Elle tourne, tourne, tourne encore. Mais l'histoire est fini. Silence, le rideau pour ce soir est retombé. Silence, à force de tricher, elle s'est brûlée. Malchance, la balance de la vie a tout changé. Malchance, de son sourire moqueur, elle va pleurer. Elle tourne, tourne, de sa folie. Elle tourna, tourna, tourna trop le film de sa vie. Elle tourna, tourna, sans raison, elle joue sa comédie. Elle tourna, tourna, tourne encore, mais l'histoire est finie. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. J'ai besoin d'un ami, d'un ami dans la vie, à qui l'on peut tout dire, à qui l'on peut s'ouvrir. J'ai besoin d'un ami, mais j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, où peut-il se cacher? C'est incroyable, je cours tous les bons quartiers, je ne peux le trouver. C'est introuvable, plus fort que le monde entier, plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami qui saurait me donner et qui saurait m'aimer jusqu'à l'éternité. J'ai besoin d'un ami, j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable, je cours tous les beaux quartiers, je cherche mon oreiller, je ne peux le trouver. C'est introuvable, plus fort que le monde entier, plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami, et je l'ai vu passer comme un oiseau qui fuit. Voudras-tu s'arrêter? J'ai besoin d'un ami, et il m'a regardé. Sans un mot, il sourit. J'ai envie de pleurer. Il sera mon ami, je saurai l'écouter. Il sera mon ami, et je saurai l'aimer. Pour trouver un ami, rien ne sert de chercher, il faut savoir aimer, il faut savoir aimer, il faut savoir. Aimer. trois ans dans les histoires naturelles. Moi j'ai chopé le goût du vin, l'amour a trop chanté les roses, les petits cœurs bien ligotés. Forget me not, je te propose d'entrer dans mon jardin secret. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes, dehors le soleil se débine. Viens vite avant qu'il ne désarme, écoutez le chant. Cactus n'ont pas peur du noir, mais c'est peut-être la rosée qui les fait se gonfler d'espoir et perdre leur timidité. Le muguet sort des griffes en mai et fait le travail dans les rues. On révolutionne aux œillets, on s'empoisonne à la ciguë. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes, dehors le soleil se débine. Bien vite avant qu'il ne désarme, écoutez le chant des glycines. Chagrin plein la vue, tu fais déborder la piscine. Viens dans mon jardin sur la rue de ce lundi qui se termine. Forget me not, il attend plus que les tulipes se marilinent. Viens dans mon jardin sur la rue, écoutez le chant des glycines. Fais-moi une fleur, essuie tes larmes et viens te coller contre moi. Le langage des pleurs a son charme, mais je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, range tes larmes, dehors le soleil se débine. Viens vite avant qu'il ne désarme, écoutez le chant des glycines. Le chant. Allez, la toute dernière pour cette deuxième partie de l'émission, et puis après, c'est le quart d'heure italien. Et j'ai marché, marché seul, toi tu dormais touché du doigt l'heure. Ciel étoilé, courir pieds nus dans l'été, pieds nus dans l'été. Je me sentais libre et léger, j'étais ma propre lumière. Mes idées noires, je les avais alors oubliées au fond d'une nuit égarée. Et puis j'ai respiré, peut-être un peu trop fort. Je me suis envolé, c'est vrai, je jure, je le promets. Je me suis envolé, j'ai ri et j'ai pleuré. J'ai vu la terre tourner autour d'un corps adoré. J'ai compris qui j'étais. Et où j'allais. Et j'ai marché, marché dans ma tête, pas de nuages de temps en temps, un ou deux soleils, ce qu'on voit sur les plages, venaient se réchauffer à ma peau, à mon visage. Je m'étonnais de ces mystères, l'amour n'a rien d'ordinaire, et tout ce qu'il inventait vrai, j'avais oublié. Je suis envolé, j'ai ri et j'ai pleuré, j'ai vu la terre tourner autour d'un corps adoré, j'ai compris qui j'étais et où j'allais. Joue distrait, fou innocent, beau rêveur insolent. Quand j'ai vu la terre tourner autour d'un ange qui dormait, j'ai alors mesuré comme je l'aimais. Je me suis envolé, c'est vrai, je jure, je le promets. Je me suis Oui, Morane, je me suis envolé. C'est avec Morane que nous terminons cette deuxième partie de l'émission. Et puis, c'est avec eh bien, le quart d'heure italien que nous débutons eh bien, la troisième et la dernière partie de cette émission. E lo sa pure Dio, ho cercato una risposta a un'illusione, ma ho capito che risposta più non c'è, resterà un mistero da racchiudere con sé. Dentro il cuore di ogni donna c'è qualcosa che non sai, una gioia o un dolore che comprendere non puoi. E noi come marinai navighiamo quei fondali inesplorati, perché il cuore di ogni donna è un oceano infinito, custodisce il suo segreto come fosse un amuleto. Chiudi gli occhi e puoi provare a sentirlo respirare, e questo cuore navigare. Donna sai, ti donerà il suo cuore quando si sentirà avvolta nel calore, ma sempre mancherà quel qualcosa che ti farà sentire di quel cuore il suo re. Dentro il cuore di ogni donna c'è qualcosa che non sai, una gioia o un dolore che comprendere non puoi. E noi come marinai navighiamo quei fondali inesplorati, perché il cuore di ogni donna è un oceano infinito, custodisce il suo segreto come fosse un amuleto. Chiudi gli occhi e puoi provare a sentirlo respirare, questo cuore navigare. Dentro il cuore di ogni donna c'è qualcosa che non sai, una gioia ed un dolore che comprendere non puoi. Dice il suo segreto come fosse un amuleto, chiudi gli occhi e puoi provare a sentirlo respirare, questo cuore navigare. Eh oui, on y est, dans le quart d'heure italien, c'est parti. Di ogni mattina la Valdostana bella e bionda come l'or, discende per raggiungere il suo amor che già l'aspetta nella valle tutta il fior. Correndo allegra canta una canzone, un ritornello che dice così: vieni a me mio dolce amor, ti darò. Sogna la casetta e gli suoi monti che non può dimenticare, pensando che mai più ritornerà, tanta tristezza scende al tratto nel suo cuore. Ma un giorno ribellandosi al destino lascia chi l'ama e riprende il cammino verso il vecchio casolare. Emblema di tanti anni fa, sé, i ricordi come l'acqua verso il mare. E gira e va, ti prego non fermarti, ma continua a girar, e vorrei con te tornare un po' bambino. Sola a stringermi un cuscino, e tu che te ne vai per ritornare da lei, domani ci sentiamo. Vorrei abbracciarti ancora per dirti che ti amo, ma lo vedo nei tuoi occhi che per me tu non ci sei più. E mi resta il silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancor che per stare con te vale la pena soffrire. E i minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. pensarti ore intere, a convincermi ancor che per stare con te vale la pena soffrire, e i minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena. Strappando il cuore che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Le quart d'heure italien, c'est sur le 91, sur le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Et dans cette émission, rendez-vous avec vous, nulle part ailleurs. Scrivo canzoni per la gente col mio cuore, canto emozioni come fan gli stornellanti, racconto storie di pirati ed emigranti, storie d'amore che non finiranno mai. Racconto favole di maghi e principesse, spose che a maggio manterranno le promesse, e mentre nasce un'altra storia dentro me, io guardo al cielo, penso che io questa sera vorrei per me una canzone scritta con semplicità da emozionare questo mio cuore che ha dato al mondo tutto quanto il suo calore. E tu amore, perdona se ho anche scordato il giorno dell'anniversario, ma questi anni sono senza fiato e corrono via, via con me. So che il passato non potrà tornare mai, ma sento in me una voce che mi dice vai. Quanta fatica ad inseguire questa meta, e quante notti a sognare questa vita. Prego il buon Dio che mi resti sempre accanto, e da lassù possa ascoltare questo canto, perché la musica che cresce dentro me è una canzone, nasce da sé. Io questa sera vorrei per me una canzone scritta con semplicità da emozionare questo mio cuore che ha dato al mondo tutto quanto il suo calore. E tu amore, perdona se ho anche scordato il giorno dell'anniversario, ma questi anni sono senza fiato e corrono via, via con me. Se ho anche scordato il giorno dell'anniversario, ma questi anni sono senza fiato e corrono via con me, corrono via, via con me. La chanson qui va suivre, elle est dédiée à toutes les mamans, à toutes les mamans. Le serenate quando il cuore per magia si innamora, e quel canto alle bimbe innamorate è un sorriso che dal cuore al cielo vola. Tutti cantano l'amore ad una donna, io invece a chi cantava ninna nanna. Voglio far la serenata alla mia mamma, a quel viso così dolce da Madonna, al suo cuore che sa dare solo amore, al sorriso così bello come un fiore. Voglio far la serenata alla mia mamma, allo sguardo che accarezza la mia vita, alla semplice dolcezza sua infinita, all'amore più profondo di una donna. Le parole quando il cuore batte forte per amore, e nell'anima si accende un'emozione mentre nasce la più bella tua canzone. Ma io canto a chi la notte si svegliava, dolcemente tra le braccia mi cullava. Voglio far la serenata alla mia mamma, a quel viso così dolce da Madonna, al suo cuore che sa dare solo amore, al sorriso così bello come un fiore. Voglio far la serenata alla mia mamma, allo sguardo che accarezza la mia vita, alla semplice dolcezza sua infinita, all'amore più profondo di una donna. Serenata alla mia mamma, allo sguardo che accarezza la mia vita, alla semplice dolcezza sua infinita, all'amore più profondo di una donna. Serenata, serenata, al suo cuore ancor di bimba. Serenata, serenata, serenata. On doit bien cet hommage aux mamans, parce que une maman, c'est une maman, tout simplement. Vecchio paese mio, vecchio paese. Al mio paese la banda per le strade passerà, le giostre, il banco della lotteria, la sera un'orchestrina per ballare. Piazza con gli amici e insieme canteremo una canzone, l'ho scritta io pensando al mio paese, c'est avec cette toute dernière que l'on se quitte pour mieux nous retrouver très bientôt sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Les giostre, il banco della lotteria. La sera, un'orchestrina per ballare. Ci troveremo in piazza con gli amici e insieme canteremo una canzone. L'ho scritta io pensando al mio paese. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.